Exercice 11, page 133. A. Vous avez faim ? Transformer. Avez-vous faim ? B. Vous avez faux ? Transformer. Avez-vous faux ? C. Vous avez froid ? Transformer. Avez-vous froid ? D. Vous avez du feu ? Transformer. Avez-vous du feu ? E. Vous avez une feuille ? Transformer. Avez-vous une feuille ? F. Vous avez une fille ? Transformer. Avez-vous une fille ?